mécréants de l'humanité, nous prenions vos divinités, de Bouddha à la Trinité, c'est la guerre pour l'éternité, mécréants de l'humanité, nous prenions vos divinités, de Bouddha à la Trinité, c'est la guerre pour l'éternité, Allah n'a jamais affronté, vos religions sont inventées, sur les messages argumentés, nos sabres vont t'argumenter, Allah n'a jamais affronté. Vos religions sont inventées sur les messages argumentés. Nous savons d'argumenter un message aux associateurs égarés falsificateurs. Vos religieux innovateurs qui ont renié le créateur. Un message aux associateurs égarés falsificateurs. Vos religieux innovateurs qui ont renié le créateur. Le choc des religions s'accroît, l'idolâtre sera la proie, oh ils nous briseront la croix, le juif aussi y aura droit. Le choc des religions s'accroît, l'idolâtre sera la proie, oh ils nous briseront la croix, le juif aussi y aura droit. Mécréants de l'humanité, nous renions vos divinités, de Bouddha à la Trinité, c'est la guerre pour l'éternité.